Chapitre 9e. La veillée des armes. Luca et Don José avaient fait la route en silence. Arrivés au palais Dolci, ils montèrent, toujours muets, le sombre escalier décoré des blasons de famille. Un laquais les précédait, une torche à la main. Il s'arrêta au haut de l'escalier, attendant les ordres de son maître. Luca, au lieu de se diriger vers sa chambre, poussa une porte qui donnait entrée dans une courte galerie, d'architecture sévère, qu'on appelait la galerie des ancêtres à cause des portraits dont elle était tapissée. Don José le suivit avec surprise, car il avait remarqué que Luca, depuis son changement de vie, évitait, pour une raison ou pour une autre, de mettre le pied dans cette salle, qui était auparavant son séjour de prédilection. Le laquais, sur un signe de Luca, alluma un des candélabres que soutenaient des mains de bronze sortant de la muraille, et sortira. Pendant ce temps, Dolci chargeait une paire de pistolets qu'il venait de détacher d'une panoplie. Il y avait de chaque côté de la galerie une rangée de stalles en chêne sculptée attenant au mur. Luca Dolci s'assit sur une de ces stalles et Don José prit place vis-à-vis de lui. « Don José, dit alors Luca, ce lieu est solennel, comme l'heure où je vous parle. Je ne sais ce qui s'est passé en vous depuis que nos deux âmes se sont perdues de vue. Et de votre côté, vous ne sauriez tant mieux renseigner à mon sujet. » Veuillez donc me dire si, dans votre conscience, vous êtes prêt à écouter mes paroles comme sortant de la bouche d'un homme d'honneur et partant d'un cœur loyal. En ce lieu et à cette heure, de vous à moi, oui, répondit Don José. Vous croirez donc sans arrière-pensée que je vous parle avec franchise, et vous me répondrez de même. Oui, messer. Eh bien, duc, sachez que, sauf votre avis, j'ai l'intention de ne point me battre. Comment cela? S'écria Don José stupéfait. « Vous allez voir, » reprit Luca Dolci. « Vous m'avez suivi dans ma vie de désordre. Je l'ai souffert. Il était convenu que nous serions impies et débauchés, c'était bien. Mais il n'a jamais été convenu que nous serions infâmes, duc. Du moment où je l'ai été, vous n'êtes plus lié à moi par aucune promesse, vous êtes libre en un mot. Si vous me serviez de seconde dans ce duel, vous deviendrez le souteneur et le complice de ce que j'ai fait. Cela n'est point juste. » Et je vous déclare que vous avez le droit de me refuser votre aide, de renier ma querelle, que c'est votre devoir, et qu'à votre place je le ferai. Mais, comme l'idée de me laisser courir seule cette rencontre vous répugnerait, sans doute, j'ai résolu de ne point me battre. Je vais vous écrire à l'instant un billet par lequel je certifierai de tout ceci. Après quoi je me ferai sauter la tête avec un de ces pistolets, et si je me manque, vous m'achèverez avec l'autre. Voilà ce que je vous propose, et vous m'avez promis de croire à ma bonne foi. Voilà, dis-je, ce que je vous propose, et je répète qu'à votre place, j'accepterai. Pour cela, messer, vous mentez, répondit froidement Don José. Luca Dolci ne répliqua point. Il demeura quelque temps la tête penchée sur sa poitrine, puis, se levant avec brusquerie et détachant du mur de fleurets à tranchants émoussés, « Voyons, en ce cas, voyons, dit-il, nous avons encore 2 heures devant nous. Faisons des armes. Ceci n'est pas une nuit à dormir. Cette affaire n'a rien de plaisant. Non, sur ma foi, rien de plaisant. Plaisante qui voudra demain matin, mais par Dieu, ce ne sera pas moi. Qu'est-ce que je dis donc là? De fait, mon cher duc, depuis quelque temps, mon esprit se permet, il me semble, de petites promenades hors de mon cerveau. Et s'il y rentre, ce n'est que par habitude. Qu'il vienne à perdre cette routine, et me voilà fou à lier. Allons, Luca, interrompit Don José, saisissant la main du jeune homme. « Est-ce que vous avez peur ?»« Peur ? De quoi ? De mourir ? Bon, il n'y a pas 2 enfers. Et en supposant qu'il y en ait 1, j'y suis, mon très cher. Ce Vespasiano est une lame bien fourbie, à ce qu'on dit. »« Gritti est plus dangereux, » dit José. « Il a plus de sang-froid. »« Chaud ou froid, j'en verrai probablement la couleur. »« Quant à vous, vous parez à ravir. J'ai remarqué cela, mais vous n'attaquez jamais. » Et dans ce cas-ci, je n'aime pas, dit José, à faire des blessures mortelles. Quand on attaque, on ne peut arrêter son coup. À la bonne heure. Mais dans ce cas-ci, amusez-vous à attendre des ripostes, et vous serez engourdi des pieds à la tête avant que ce colosse soit même échauffé. Attaquez-le vivement d'estoc et ne rompez pas d'une semelle. Ne faites pas le grandiose pour cette fois, mon ami. Tout d'estoc, point de taille. Et tâchez que son chapelet soit délié dès la seconde pause. À nous deux, s'il vous plaît. Adossez-vous à la muraille. Bon. Attaquez, mon Dieu, attaquez !» Et ce disant, Luca engageait le fer avec Don José. Don José, docile au conseil que venait de lui donner Luca, lui poussa rapidement deux ou trois bottes que celui-ci, malgré son habileté consommée, para avec peine. « Bon, » cria-t-il, s'échauffant peu à peu, « je m'y attendais. Sans quoi vous me teniez ? Songez qu'avant tout, il vous importe d'en finir vite. C'est cela, corps à corps. Faites-lui manger votre garde. Alors il n'y aura plus de colosses qui tiennent. Moustache à moustache, duc, et n'oubliez pas votre main gauche. Peignez-lui la barbe avec votre poignard. Oula, tête et sang, je suis touché. À vous. Non ? Eh bien, c'est donc ce coup-ci. » Et Luca, s'irritant au jeu, s'était fendu à fond sur Don José, mais son épée, effleurant l'épaule du jeune homme, alla se briser contre la muraille, après avoir traversé un des portraits qui y était suspendu. Luca, se voyant, devint plus pâle encore que de coutume. Il lâcha son arme et demeura immobile, l'œil fixé avec épouvante sur le tronçon d'acier qui tremblait dans la toile et dans le mur. « Qu'est-ce donc ? » s'écria Don José. Luca, sans répondre, lui montra du doigt le cadre atteint par son fer, et José, se retournant, vit que c'était le portrait de la mère de Luca et que l'épée lui avait trouvé la poitrine à la place du cœur. Cependant, Luca Dolci, tenant toujours sa main droite étendue, comme pétrifié, dans la direction du portrait, tremblait sur ses jambes. Ses yeux achevaient de s'égarer, ses lèvres s'entr'ouvrirent agitées et ses dents claquèrent. « Luca ! Luca ! » s'écria Don José, cherchant à saisir la main roidie de son ami. Mais Dolci le repoussa doucement. « Elle en mourra, » dit-il à voix basse. « Veillez-y, elle en mourra, voyez-vous. Et Dieu sait pourtant qu'elle ne l'a pas mérité. Le sang coule en dedans, sans doute, car je n'en vois pas de traces. Et cela est étrange, vu que le coup est à fond. Veillez-y, veillez-y, monsieur. Moi, je n'ose en approcher. » « Quel coup ? Un coup superbe. Mais c'est une femme. Voilà le malheur, c'est une femme. » « Dieu tout-puissant, » dit José, « ayez pitié de nous, il devient fou. Écoutez-moi, » reprit Luca, « approchez-vous, plus près, plus près. » Et il attirait Don José sur sa poitrine, puis il se pencha à son oreille et murmura tout bas, d'un ton plaintif. « José, j'ai peur. » Aussitôt, comme s'il eût été effrayé lui-même de ce qu'il avait dit, il recula précipitamment de quatre pas, poussa un cri aigu, et tombant sur le marbre, s'y roula et s'y tordit avec un râle affreux. Puis, les convulsions cessèrent, et il demeura roide et immobile sur les dalles. Don José alors s'agenouilla près de lui. Des gouttes de sueur tombaient de son front sur le visage livide de Luca. Il lui prit les mains et l'appela à plusieurs reprises. Mais Luca ne donna aucun signe de vie. En ce moment, 5 heures du matin sonnèrent. Don José tressaillit et se releva. Il alla prendre sur une table les pistolets que Luca y avait déposés et les arma. « Encore 1 heure, » murmura-t-il. « Pas même 1 heure, car il faut le temps de faire le chemin. Eh bien, si dans 1 heure il n'est pas prêt, je sais ce que je ferai. Celui-ci pour lui et pour moi l'autre. » Puis, le rigide jeune homme commença de se promener à grands pas dans la galerie, s'arrêtant de temps à autre pour humecter avec de l'eau les tempes de Luca Dolci, toujours évanoui. Pendant que ces choses se passaient au palais Dolci, Michel Gritti avait rejoint le cavalier Vespasiano, et tous deux s'étaient rendus à la vieille maison, dont le jardin devait leur servir de champ clos au point du jour. Michel Gritti n'avait jamais, avant cette nuit, mis le pied dans l'humble demeure du cavalier. Depuis la soirée où il l'avait surpris pêchant à la ligne, il se sentait l'âme navrée, en songeant à la gêne habituelle dont le digne cavalier achetait l'honneur de figurer à ses côtés dans le beau monde. Mais il s'était toujours gardé avec soin de faire allusion à cette détresse, comprenant qu'un homme comme le cavalier souffrait toute chose volontiers, excepté la pitié. Il l'avait donc laissé vivre à sa guise comme par le passé, et Vespasiano, quoiqu'il n'en témoignât rien, éprouvait que cette délicatesse de son noble ami avait accru la somme d'affection et de dévouement qu'il lui gardait au fond du cœur. Vespasiano prit Michel par la main pour l'introduire sans encombre au milieu de l'obscurité, dans la pièce principale de son logis. Puis, l'ayant invité à ne point bouger jusqu'à son retour, il courut allumer une torche à un falot qui brûlait sur le quai devant une madone et revint la planter dans un crochet de fer. à la lumière vacillante de cette torche, Gritty put voir un intérieur d'une simplicité pitoyable. Les quatre murs, lézardés capricieusement par l'humidité, n'avaient d'autre ornement, outre la torchère, qu'une demi-douzaine d'armes de main, sabres mauresques, clémores écossaises et longues épées espagnoles, formant trophée. Dans un angle étaient déposées des lignes à pêcher. Une natte de jonc était étendue dans un coin, et un havre sac en peau de vache, singeant l'oreiller à l'une des extrémités, semblait indiquer que le cavalier faisait un lit de cet objet. Quand Michel Gritty eut constaté de plus l'existence d'une table et de deux escabeaux de bois au milieu de la pièce, il n'eut plus rien à voir dans cette chambre à coucher. Vespasiano avait suivi avec une gêne visible les yeux de Gritty durant ce court examen. « C'est une nuit de bivac à passer, noble Michel, » dit-il avec un demi-sourire que démentait l'émotion de sa voix. « C'est le toit d'un ami, » répondit Michel, et il se détourna brusquement en toussant comme si sa gorge se fût embarrassée. Il passa quelques secondes à détacher l'agrafe de son ceinturon et alla déposer son épée contre le mur. Quand il revint près de la table, il vit le cavalier Vespasiano qui était resté debout à la même place, se caressant la moustache et avalant sa salive avec une précipitation singulière. Les regards des deux jeunes gens venant à se rencontrer, l'œil du pauvre cavalier laissa échapper une grosse larme qui coula lentement sur sa joue brunie. Gritty lui prit la main et la lui serrant avec force. « Voyons, est-ce que vous avez honte d'être pauvre devant moi ?» lui dit-il. « Non, non, messer, » répondit Vespasiano, comprenant du mieux qu'il pouvait son attendrissement. « Non, en vérité, ce n'est point la honte. Je ne sais ce que c'est, mais tenez, vous êtes ému vous-même, et bien que cela me paraisse inexplicable, vous voyez bien que cela est naturel. « Parbleu, sans doute, c'est naturel, » dit Gritty. « Ah ça, voyons, mon vieux compagnon, » ajouta-t-il après une pause, « asseyons-nous. À moins que vous ne préfériez vous reposer. Quant à moi, je ne me sens point de disposition à dormir cette nuit. En ce cas, noble Michel, attendez-moi, » répondit Vespasiano. En même temps, il sortit de la chambre. Deux minutes après, il rentrait portant un flacon d'une forme étrange et deux verres. « Bravo !» reprit gaiement Gritty. « Quel filtre avons-nous là-dedans, mon cavalier ? Goûtez !» dit Vespasiano en plissant un verre qu'il donna à Michel et s'asseyant de l'autre côté de la table sur le second escabeau. « Divin mais inconnu !» répondit Michel après avoir vidé le verre avec recueillement. Le visage de Vespasiano s'était épanoui à cette réponse. « Voici ce que c'est, » reprit-il. Le père Célérier du couvent de la Miséricorde à Smyrne me donna deux ou trois de ces flacons de vin du Carmel. « Bon, » dit Michel, « il y a plaisir à boire le vin avec lequel se grisait Mathusalem dans sa 858e année. Se grisait-il vraiment à cet âge-là, noble Michel ? Il est du moins réjouissant de le croire, mon ami. Belle vieillesse, messer. Mais ce n'est plus de notre temps, malheureusement. Je dis malheureusement parce que je ne m'accoutume point à l'idée de vieillir. Et pourtant, c'est ce qui me pend à la barbe, chaque soir et chaque matin. Je m'imagine, noble Michel, que je mourrai d'ennui sur ma chaise de sexagénaire. Dieu a tout fait pour le mieux, Vespasiano. Les vieillards ont des plaisirs dont les jeunes gens ne se doutent pas. J'ai vu quelquefois des vieillards bien portants, assis sur leur porte. Ils avaient l'air heureux. Oui, ma foi, je l'ai remarqué. Mais les vieilles femmes sont toujours chagrines en diable. Aussi, s'il me fallait devenir vieille femme un jour, par les 1300 000... Et Vespasiano finit sa période en frappant la table du plat de sa main. Car on s'était toujours fait une sorte de jeu, et Michel tout le premier, d'interrompre le bon cavalier à ce point de son formidable serment. De sorte qu'il avait contracté l'habitude de ne point l'achever, et que personne n'en savait la fin. « Mais enfin, » demanda Michel Gritty, pris d'une curiosité subite, « par les 1300 000, quoi ?»« Par les 1300 000 vierges, par Dieu !» « Merci de ma vie, où les prenez-vous » s'écria Michel. « Mais à Cologne ?» reprit Vespasiano timidement, car elle commençait à s'inquiéter. « Vous êtes trop honnête, Vespasiano. C'est 11 000 et non 1300 000. »« 11 000 ? Est-ce possible, noble Michel ?» répliqua le cavalier stupéfait. « Plus possible, beaucoup plus possible que 1300 000, mon bon ami. Vous disiez donc que vous seriez contrarié de devenir vieille femme ?» « Accident peu probable, au reste. Mais qu'est-ce donc qui nous entre par la fenêtre ? C'est la lune, messer. J'ai cru qu'on avait jeté dans la chambre un bout de drap blanc. Mais c'est la lune, vous avez raison. Croiriez-vous, Vespasiano, que je ne vois jamais cette pâle clarté sans songer aux âmes de ceux qui sont morts? Et pourquoi cela? Dit Vespasiano. Il serait agréable, continua Michel, les yeux fixés sur les losanges blanchissants de la petite fenêtre. Il serait agréable pour ceux qui restent de penser que ceux qui sont partis habitent là-haut, dans ce monde, qui semble nous regarder avec bienveillance. Par ces nuits limpides, cela paraît être si voisin de nous. La mort ne serait plus qu'une absence. Je vous prie, cavalier, de demander à Giulia si ses idées sont les siennes, et si la religion les permet. Et pourquoi, diable, noble Michel, ne le lui demanderiez-vous pas vous-même? Au fait, je le lui demanderai, dit Michel avec distraction. Par Dieu, messer, reprit le cavalier, je voudrais posséder un éteignoir assez grand pour coiffer cette maudite lune jusqu'au menton. Sur ma parole, je ne vous reconnais pas depuis quelques minutes. Vous avez un rayon de lune qui vous charme le visage, de telle sorte que vous ressemblez à un juste mal ressuscité. Joignez cela que vous me contez des histoires de l'autre monde. Il est certain que je ne me sens point comme d'habitude, mon ami. J'éprouve un bien-être inouï, une légèreté de cœur et d'esprit admirable. Il me semble que j'ai déjà un pied dans le paradis. Et en réalité, c'est demain que je vais y entrer. J'aime étonnamment cet enfant, Vespasiano. Et moi aussi, messer, dit le cavalier. Je ne puis songer sans terreur à ce qui serait arrivé si notre retour eût été retardé seulement de quelques heures. Et pourtant... Michel s'arrêta et hocha la tête d'un air pensif. Et pourtant, demanda Vespasiano, je ne saurais en vouloir à ce jeune homme, cavalier, et je me battrai contre lui sans colère et sans haine. Voilà la vérité. Sans haine, messer, cela se peut-il? Dites-moi, Vespasiano, si vous comprenez quelque chose à sa conduite. Je comprends qu'elle a été positivement de la dernière infamie. Sans doute. Mais il y a une idée qui ne me sort pas de la tête. C'est que ce jeune homme n'est point responsable de ses actes. Voulez-vous dire qu'il est fou? Écoutez, cavalier, il n'y a qu'un ennemi mortel, à moi qui ai pu délivrer contre Giulia cet odieux guet-apens. Or, ce jeune homme n'est mon ennemi à aucun titre. Ce n'est pas lui, Vespasiano, qui nous envoya cette balle un certain soir. Vous vous connaissez un ennemi, noble Michel? Oui. Je sens une haine qui pèse sur moi. Mais ce n'est point la haine de cet enfant. Je l'ai fort maltraité dans le premier instant. Mais à mesure que j'y réfléchis, je ne me sens plus pour lui que de la pitié. Comment, mon Dieu, vous connaissez un homme qui passe son temps à vous tirer des coups de mousquet et autres gentillesses, et vous le laissez manger pain sur table? Il y eut un intervalle de silence. L'horloge d'une église voisine résonna. Quelle heure est-ce là, Vespasiano? Reprit Michel. 6 heures, noble Michel. L'heure convenue, et voici le jour. Gritti se leva et se mit à marcher à grands pas par la chambre. Il est possible, après tout, qu'il ne vienne pas, murmura-t-il. Pourquoi donc, messer? J'ai ouï dire que Ser Luca et son ami étaient, quant à la bravoure, à l'abri de tout reproche. Je vous dis, cavalier, que ce jeune homme n'est point libre de ses actes, dans ma pensée. Vous croyez donc, Michel, que Ser Luca est l'agent de cet ennemi que vous connaissez? Je le crois. D'autant plus que tout ce que je sais de cet enfant me le fait juger faible et passionné à l'excès. Avec tout cela, il fait grand jour et personne n'arrive. Il m'est pénible, Vespasiano, d'avoir à me battre sérieusement contre ce jeune homme. En vérité, Michel, vous avez tort. Rien n'excuse ce qu'il a fait, fût-il possédé du diable. Mais ce que je ne m'explique pas, c'est que vous connaissez un ennemi aussi mortel que vous le dites, et que me semble le prouver la balle dont on nous fit cadeau un soir, vous laissiez ce personnage vaquer à l'existence. Vous rappelez-vous, Vespasiano? Ils ne viendront pas maintenant, je pense. Il y avait tant de honte mêlée à la colère de ce jeune homme que je ne serais point surpris qu'il se fût fait justice lui-même. Vous rappelez-vous, dis-je, cette matinée où nous vîmes la gondole de Ser Luca emplie de fleurs tout à coup par une main mystérieuse? Oui, dit Vespasiano, clignant de l'œil, ouvrant la bouche, et posant son index sur son nez, de façon à charger sa franche physionomie d'autant de finesse qu'elle en pouvait porter. « Oui, j'y suis. Cette main est celle de... » Deux coups frappés à la porte interrompirent brusquement le cavalier. Michel Gritti, fronçant le sourcil, alla prendre son épée dans le coin où il l'avait déposée et reboucla le ceinturon à sa taille, tandis que Vespasiano courait ouvrir la porte. Luca Dolci et Don José entrèrent alors.